Yeah. C'est pour ma tête de me rêver mes renois. C'est pour mes têtes d'aigle et tous mes deuils, tous mes hustlers au coin des blocs, ceux qui portent le bloc dans le froc, genre rap Thiebo M4 Glock. C'est pour mes têtes d'aigle et tous mes deuils, tous mes hustlers au coin des blocs, ceux qui portent le bloc dans le froc, genre rap Thiebo M4 Glock. C'est pour mes têtes d'aigle et tous mes deuils, tous mes hustlers au coin des blocs, ceux qui portent le bloc dans le froc, genre rap Thiebo M4 Glock. C'est pour mes têtes d'aigle et tous mes deuils, tous mes hustlers au coin des blocs, ceux qui portent le bloc dans le froc, genre rap Thiebo M4 Glock. Ni te panique le Thiebonhomme, et quand Bodak me vient de les honnes, mes jeunes thugs savent utiliser sa sauve, ou les dégâts moi j'ai le monde à Nantes. Problème tout qui hikaille par la future cimente. J'aime tes maholos, para beaucoup de sapés comme des fumas. Y'a des 9 mm et des gros bras, des chippés, des rebeux et des renois. Dans mon quartier, unis comme les 5 doigts. En survêt et slime Q3, bang bang bang bang quand j'ai pas le choix. Tous mes thugs, tous mes hustlers au coin des blocs, ceux qui portent le bloc dans le froc, genre rap Thiebo M4 Glock. C'est pour mes têtes d'aigle et tous mes deux, tous mes hustlers au coin des blocs, ceux qui portent le bloc dans le froc, genre rap Thiebo M4 Glock. Aïe, ni te paniquant Thiebon, far panique, befira ambulanten. Un équipa just keeping it chill. Mon mal me neve ta yo se kan chansen. Excuse my French, ta yon kate pussy. Fuck that gun shit, un moj uzi. I got that bomb bitch, un bret tudi. Ti mënesh me kona kulor, ja jo Gucci. Mos guzo me mrek të ftyra, pare të bondi mënyra. I ka se mbret mu dhe tyra, komercin smale natyra e ftyra. Yeah, I got many men tryna do me wrong, but I don't give a fuck. I got 10 bitches that I can fuck, but that's not enough. I got many men tryna do me wrong, but I don't give a fuck. I got 10 bitches, that's not enough. C'est pour mes têtes d'aigle et tous mes deuils, tous mes hustlers au coin des blocs, ceux qui portent le bloc dans le froc, genre rap Thiebo M4 Glock. C'est pour mes têtes d'aigle et tous mes deuils, tous mes hustlers au coin des blocs, ceux qui portent le bloc dans le froc, genre rap Thiebo M4 Glock.